la communication d'aujourd'hui est en fait un écho du travail que j'avais effectué lorsque j'étais encore étudiante, il y a déjà presque 20 ans, en 2001. Un travail de muséologie à l'école du Louvre sous les directions croisées de Claude Vandal et aussi de Geneviève Bresque. Et c'était très intéressant pour moi de revenir sur ces pas et de reprendre, grâce à cette communication, de me remettre dans les pas de Soulier et de voir aussi à quel point, depuis ces années, la recherche a pu avancer sur ce point. On le verra ensemble. Alors, je sais que j'ai très peu de temps, mais je voudrais quand même aborder avec vous plusieurs points que je vais aborder aussi en vous parlant de la vie, de la carrière de Soulier. Donc, Versailles vue par les yeux de Soulier, donc avec une première partie très rapide, mais quand même pour vous resituer un petit peu quelle fut la carrière de cet homme au service des musées. Une autre partie autour donc du Second Empire à Versailles. Je voudrais revenir ensuite sur son colossal travail de catalogage et puis aussi une partie un peu plus que j'ai intitulée Souliers destructeurs de Versailles, notamment en revenant sur la fin de sa carrière et la guerre après 1870. Voilà. Alors, vous avez ici une diapositive qui vous montre un petit peu l'évolution de la carrière de Soulier, une carrière qui a été entièrement dédiée au musée, puisque, comme vous le voyez, il entre en 1838 comme commis au musée du Louvre, sous Monsieur de Cailleux, et il va ensuite poursuivre toute sa carrière, nommé par Jean Rond au musée du Louvre, responsable de la conservateur adjoint à la calcographie. Il va également, et ça c'est important, on en reparlera tout à l'heure, participer à ce qu'on appelle la création du Conservatoire des musées, qui est une sorte de collège de collègues qui vont communiquer ensemble autour des préoccupations qui sont les leurs au musée. Et puis, en 1850, il est nommé conservateur adjoint du musée de Versailles sous le comte de Nieuwerkerk, qui est un personnage vraiment clé, très important dans la carrière de Soulier. Et puis, en 1867, il est enfin nommé conservateur en titre du musée de Versailles, ce qui aura un certain nombre de conséquences pour sa carrière et aussi, on le verra, par rapport à la manière dont il peut s'approprier son travail et la manière dont il est perçu aussi par l'administration. Alors, c'est quelqu'un qui a aussi été, donc, en tant qu'érudit, membre de la Société des Amis des Arts du département de Seine-et-Oise et aussi, avec son ami Chenevière, dont on va parler aussi, un membre de la Commission des Richesses d'Art. Donc, vraiment quelqu'un de totalement intégré dans ce cercle des érudits de l'époque. Et puis, pour vous montrer aussi que son travail a une certaine reconnaissance publique, vous avez ici en bas les deux récompenses de Soulier. Donc en 1855, il est nommé chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, une récompense qui vraiment a beaucoup d'importance pour lui. Et puis en 61, chevalier de l'ordre de la couronne de chêne des Pays-Bas à l'occasion d'une visite du roi des Pays-Bas. Alors, c'est une carrière, je l'ai dit, entièrement au service du Second Empire, même si les 10 premières années de sa carrière, il les passe au Louvre. Ce sont des années très importantes. Il fait la rencontre de Philippe de Chenevière, que vous avez ici à l'écran, qui est un ami très proche. Et c'est grâce à Philippe de Chenevière qu'on a aussi une vision du travail et de la vie de Soulier, puisque dans ses souvenirs, il va évoquer à maintes reprises le personnage. Et j'aurai à utiliser à plusieurs reprises des éléments de ses souvenirs pour vous le rendre un petit peu plus concret et plus présent. Alors, au Louvre, eh bien, il va commencer à s'intéresser à Versailles et il va réaliser un certain nombre de fiches et de catalogages qui serviront ensuite à sa pratique même à Versailles. Et puis, c'est un collectionneur né. Il a un goût très profond pour l'archive et ça, on va le voir aussi par rapport à ses différents travaux. Tous ces éléments de sa personnalité que l'on va retrouver après et qui vont, en quelque sorte, façonner aussi son travail à Versailles. Alors, je vous mets juste aussi sur la même diapositive une petite image qui vous présente le catalogue des planches gravées de la calcographie du Louvre, puisque alors qu'il est au Louvre, c'est Soulier qui en réalise le catalogue et la notice historique en sera rédigée par Villot. Alors, je vous parlais du comte de Nieuwerkerk, le voici ici. J'ai choisi cette image parce qu'en fait, vous le voyez sur la légende, il se trouve que c'est un portrait qui était dans la famille de Soulier et qui a été donné par ses descendants. Donc, je trouvais que c'était une manière intéressante aussi de vous montrer à quel point Soulier est lié à ce personnage tout à fait clé. Alors, il participe aux soirées du Louvre, aux fameuses soirées du Louvre qui sont ordonnancées par le directeur général des musées, donc Nieuwerkerk, et il y est là en service commandé, accompagné d'autres collègues, d'autres conservateurs du Louvre, Villot, Clément de Ris, Longperrier, Montaiglon, tous ces personnages importants pour la vie des institutions de l'époque. Il fait partie donc de ce cercle-là et à ce titre, il participe donc à leurs différentes causeries. Alors, lorsque j'ai travaillé sur Soulier, j'étais vraiment tout à fait submergée par la correspondance suivie, extrêmement nombreuse, qu'il a avec le comte de Nieuwerkerk, dont qu'il tient absolument au courant de tout, de tout ce qui se passe ensuite lorsqu'il est à Versailles, et une correspondance qui permet aussi de suivre l'évolution du musée et des travaux. Alors voici une soirée au Louvre chez le comte de Nieuwerkerk. On sait que par Chenevière que Soulier a posé pour ce tableau. Alors il est difficile de voir où est-ce qu'il pourrait être représenté ici, mais en tout cas nous savons d'après Chenevière que Soulier était suffisamment introduit auprès de Nieuwerkerk pour y figurer. Et puis, il faisait aussi partie des personnalités qui étaient ensuite amenées à rester, à poursuivre les causeries de manière un peu plus informelle, avec ici, vous voyez, d'autres personnalités de l'époque, Montaiglon, Longperrier, Chenevière, reconnaissable aussi. Et voici enfin, je vous le présente, Eudore Soulier, qui donc a été croqué par Giraud, au même titre que ses autres collègues, comme faisant partie de ces soirées du Louvre. Donc quelqu'un, je le disais, assez introduit auprès du pouvoir. Alors, Soulier, finalement, lorsqu'il arrive à Versailles, lorsqu'il est nommé conservateur adjoint du musée, il est en quelque sorte le premier vrai conservateur en titre du musée, même si à l'époque, le fait qu'il ne soit qu'adjoint est une sorte petit élément qui expliquera qu'il ne fait pas partie au début des toutes premières commissions du Conservatoire des musées, puisque Versailles est encore un petit peu isolé par rapport au reste des musées et lui n'a pas accès direct à ce collège de collègues. Il le sera en 67 lorsqu'il sera nommé conservateur en titre, ce qui explique aussi la correspondance vraiment très importante avec Nieuwerkerk, puisqu'il essaye de pallier cette difficulté par une sorte de présence littéraire très importante auprès de lui. Alors Soulier le rappelle dans une de ses missives à Nieuwerkerk, sa mission principale est celle de la surveillance, du classement et du catalogage des objets d'art du musée. Alors, il se trouve aussi qu'il est le meilleur ambassadeur du château, puisque ayant déjà commencé à s'intéresser à Versailles alors qu'il était au Louvre, il a déjà accumulé une sorte de connaissance livresque très importante qui lui permet aussi de remplacer Nieuwerkerk dans ses fonctions d'ambassadeur lorsqu'il doit recevoir un certain nombre de personnalités étrangères ou françaises de renom. Alors, ce qui me paraît important de souligner ici, c'est que avec une situation administrative complexe dont j'ai déjà parlé un petit peu en vous disant à quel point à la fois il est loin de Versailles, il est loin de Paris, mais en même temps il cherche à se montrer présent auprès de ses collègues et de Nieuwerkerk, le musée est quand même un petit peu piloté depuis Paris et il a cette double mission qui est à la fois de servir le Second Empire, mais aussi, et là c'est un aspect peut-être plus personnel de son travail, qui est cette mission qu'il a et qu'il ambitionne, qui est de servir Versailles, de servir le château de son mieux. Alors, voici, je passe vite, mais pour vous montrer aussi que Versailles est un. Le prestige du château est évidemment très, très important, et donc, à ce titre, il permet en fait à Versailles d'avoir une situation un petit peu aussi à part. Voici aussi la visite du roi et de la reine des Pays-Bas. Et on a pu dire de Soulier en fait qu'il était le dévot de Louis XIV, alors parce que il a à cœur de replacer Versailles à l'égal des autres résidences royales. Donc c'est vraiment un élément très important de son travail. Il espère acquérir des œuvres historiques. Alors on verra un petit peu plus tard ce que ça sous-entend. J'ai mis des guillemets. Son but est de restituer l'esprit, l'atmosphère du bel esprit français. Ce qui l'intéresse, lui, de manière personnelle aussi, c'est de ne pas oublier que Versailles a été évidemment très important sous Louis XIV et sous Louis XV, et donc il a vraiment aussi envie de rendre cela sensible au public. Alors évidemment, ça veut dire qu'il aimerait retrouver le Versailles de l'Ancien Régime dans certaines configurations du musée, ou en tout cas de rendre sensible au public à la fois l'histoire complexe du château, mais aussi de ses collections. Et ce qui est très notable lorsqu'on suit sa correspondance, c'est le vif intérêt qu'il a toujours eu et qu'il aura longtemps pour la collection de sculptures du château, et notamment pour celle du parc, à qui il donne un soin tout particulier. Alors, c'est un homme qui va travailler bien sûr sur Versailles, mais dans sa sphère d'intérêt, il y a également d'autres sujets de recherche, mais qui se raccordent par certains biais à Versailles tout de même. Alors, il participe à la création des archives de l'art français, et on retrouve à nouveau Chenevière dans cette histoire-là. Et c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup travailler sur des documents d'archives qui ont un lien avec l'Ancien Régime. Il va notamment présenter des recherches donc, sur le marquis de Dangeau, également sur le journal donc, du médecin de Louis XIII, et également sur Molière et sa famille, des recherches très importantes qui l'occupent beaucoup, et recherches qui seront dédicacées par exemple à la princesse Mathilde. Donc on voit là aussi un lien très fort avec l'Empire. Alors c'est aussi une personnalité qui va essayer de travailler grâce aux archives toujours sur un certain nombre d'œuvres, et notamment sur, par exemple, je vous cite cet exemple, le médaillon en cire qui représente Louis XIV d'Antoine Benoît, ou le portrait de Mademoiselle de Lavallière, dont il demande qu'une copie soit faite pour Versailles. Voilà, donc voyez par exemple ici pour ce portrait de Louis XIV dont il fait une publication importante. Vous voyez ici la chambre. Voilà. Et cet intérêt donc pour le Versailles d'avant la Révolution, eh bien, elle doit être couplée avec les exigences qui sont celles du Second Empire, puisque il hérite aussi d'une situation existante dont on a évidemment bien sûr parlé ce matin, puisqu'il doit, c'est dans sa feuille de route, poursuivre l'œuvre de Louis-Philippe à Versailles, il va indiquer à Villot, avec lequel aussi il entretient une correspondance suivie, que le musée historique, pour lui, ne doit pas rester inachevé. Alors, le 28 avril 1851, il y a une vente de tableaux, des tableaux commandés par Louis-Philippe pour Versailles, qui se profile. Elle a été rendue au souverain déchu, elle appartient à sa collection privée, donc il peut en faire ce qu'il souhaite. Et il en avise immédiatement Nieuwerkerk en lui disant qu'il est vraiment très dommage que ces tableaux réalisés pour Versailles quittent définitivement le palais, et il s'émeut de cette situation en indiquant qu'il serait vraiment judicieux que Versailles puisse les récupérer. Alors malheureusement, son appel n'est pas entendu, mais quelques années plus tard, il va ensuite avoir à cœur de donner à Nieuwerkerk une liste des tableaux qui sont non exécutés et des peintres qu'il estime pouvoir capable de poursuivre le cycle entamé. De la même manière, en parallèle, il hérite de très nombreuses commandes impériales, de portraits peints et sculptés, de tous les valeureux défunts contemporains qu'il doit à tout prix essayer d'insérer dans un accrochage du château qui est déjà très dense. Alors voici pour illustration, Pils qui peint un des tableaux donc pour Versailles. Et évidemment, le Second Empire va créer de nouvelles salles à Versailles, de nouvelles salles qui sont évidemment en lien avec l'actualité politique du régime, des nouvelles salles à la gloire de l'Empire, les salles de Crimée et de la campagne d'Italie, qui reçoivent en 1855 l'approbation de Nieuwerkerk, qui souhaite que des peintures et des bustes de militaires y soient placés. Donc, je vous ai mis ici une petite illustration, simplement pour vous montrer qu'il y a un banquet qui est offert par la ville de Versailles aux soldats de l'armée d'Italie dans le parterre de l'Orangerie, à l'occasion donc de cette nouveauté. Alors, Gérard Sabatier disait dans la scène qu'il a publiée sur Versailles que le Second Empire ne se rappelle l'existence des galeries historiques que pour y étaler les grandes images de ses victoires en Crimée et en Italie. Et là, vous avez ici un plan des notices du Musée national de Versailles publié par Soulier. Alors, la salle de Crimée a, depuis que j'avais eu l'occasion de m'y intéresser, il y a déjà un petit moment, a bénéficié donc de nouvelles recherches. Et donc, vous avez ici le plan de la salle avec les différentes peintures qui étaient prévues donc pour cette salle, avec aussi l'emplacement des bustes que vous voyez, qui sont les petits carrés qui font le tour de la salle. Et c'est donc Julia Thomas, voilà, qui a travaillé sur ce thème et dont on peut trouver en ligne la somme, le travail. Et pour lequel je me suis permis donc de récupérer quelques images pour vous montrer un petit peu la physionomie de cette salle, donc avec ces bustes qui font le tour, et puis aussi disposer les grandes peintures historiques qui viennent ici agrémenter cette salle, avec quelques exemples. Et une vue d'époque, une carte postale qui vous montre la configuration de la salle avec les bustes et les peintures, les très grandes peintures. Alors, je vous disais, de nouvelles salles sous le Second Empire avec d'autres exemples, mais sur lesquels je vais vraiment passer vite parce que le temps me manque, puisque Soulier est absolument assailli de nouvelles demandes de la part du régime. Et puis on s'intéresse aussi beaucoup à Versailles, donc il y a énormément de projets qui interviennent et dont il doit finalement faire une sorte de résumé et donner non pas forcément un avis, mais en tout cas une sorte d'étude de faisabilité. En 1858, on lui demande de réfléchir à un musée qui serait destiné à honorer les communes et les villes de France remarquables. Alors Soulier, toujours très respectueux et toujours très diplomate, en fait, expose à Nieuwerkerk son point de vue. On sent tout à fait qu'il est assez réticent à cette idée, en arguant que Versailles est déjà une ville remarquable et qu'il lui semblerait peut-être un peu redondant ou inopportun, en tout cas, d'y créer ce fameux musée qui finalement ne verra pas le jour. En 1864, c'est sa proposition à lui. Il aimerait, toujours avec cette idée de renouer avec le Versailles d'avant la Révolution, créer une salle des mémoires qui serait cette fois-ci plutôt consacrée aux mémorialistes et aux femmes de lettres, donc Saint-Simon, la marquise de Sévigné. Et puis, en 1864-1865, une salle qui, elle, on en a un peu parlé tout à l'heure, et bien sûr à une réalisation en 1865, qui est la salle pour les portraits de la famille impériale. Alors, l'autre moment très important de Soulier à Versailles, c'est les recherches qu'il fait pour le catalogage des collections du musée, qui ont été vues par nombre de ses successeurs comme un monument d'érudition. Alors, il faut bien voir, on en a parlé ce matin déjà, mais que le public est vraiment friand de ce type de publication, et le public va affluer à Versailles. Et ce qui est intéressant pour de la part de Soulier, c'est qu'il va très vite prendre en compte le public comme un élément important du musée, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser aux ouvertures de salles. On l'a un petit peu dit ce matin, mais avec la surveillance du musée, les choses ne sont pas forcément très simples. Il y a des fermetures intempestives de salles qui privent les visiteurs de l'accès aux collections. Donc Soulier va vraiment veiller à ce que le public ait un accès le plus large possible aux collections. Il va s'intéresser, alors ce sont des détails, mais quand même, je pense que ça montre aussi quelle est sa vision du lieu, à ce que les visiteurs puissent déambuler librement, qu'ils puissent déposer des affaires au vestiaire, qu'ils puissent trouver une signalétique du musée qui soit commode. Ça, je trouve que c'est quand même assez moderne dans sa façon de voir les choses. Et puis, une chose intéressante aussi, c'est qu'il aimerait retrouver une certaine souplesse dans l'accrochage des tableaux du musée, qu'il ne soit plus forcément uniquement encastré dans des boiseries, qu'il ne soit pas mobile, mais qu'au fur et à mesure de ses découvertes, au fur et à mesure des acquisitions, on puisse intercaler et changer l'accrochage pour donner toujours au public une version la plus, on va dire, scientifiquement aiguë de Versailles et de son histoire. Alors, on l'a vu déjà ce matin, il y a un élan déjà dès les années 30 et 40, mais qui se poursuit dans les années 50 pour des nouveaux catalogues, plus scientifiques dans les musées. Et Soulier va emboîter ce pas, puisqu'il va indiquer qu'il n'y a, à l'administration, son administration du tutelle, qu'il lui semble qu'il n'y a aucun véritable catalogue complet sur Versailles, et qu'il se propose de donner une version qui soit juste et historiquement correcte, étayée par des archives, toujours cette idée qui est la sienne, et qui va déboucher sur une énorme entreprise, puisque en 1854, le premier catalogue des collections de Versailles, qui s'appelle les Notices, qu'on appelle les notices de Soulier, vont être publiées et vont donner lieu à de très nombreuses rééditions successives, preuve, s'il en était, de cet intérêt du public pour ce type de publication. Alors, de la même manière, en 1853, Napoléon III va commander à Soulier un livre sur Versailles, un livre qui est un projet qui ne verra pas le jour parce que, c'est Chenevière qui nous renseigne, Soulier est tellement pris dans ses recherches en archives, dans sa volonté de bien faire, que finalement, il met trop de temps à mettre ses pensées en ordre et donc à donner lieu à ce livre. Et puis, quelque chose de très important aussi pour nous, conservateurs, c'est le récollement qu'il va gigantesque du musée, qu'il va faire salle par salle, 25 cahiers de récollement dénombrés entre 56 et 57, et qui sont aussi un des éléments importants pour la connaissance de Versailles. Alors, je passe sur les publications antérieures à propos de Versailles. Ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, les notices sont une sorte de commande de Nieuwerkerk qui a comme objectif l'exposition universelle de 55, et il veut que pour cette date-là, eh bien, le public puisse disposer d'un ouvrage qui soit parfaitement conforme à ses attentes. Et même si d'autres pourront en parler mieux que moi, mais pour certaines de ces attributions sont remises en cause par la suite, en tout cas, c'est un vrai premier travail scientifique, œuvre par œuvre, que celui que donne Soulier. Alors, il a des conversations intéressantes avec ses collègues à qui il demande conseil pour essayer de bâtir l'outil qui sera le plus utile pour le public. Alors, il s'interroge, est-ce qu'il faut donner des numéros ? Comment faire lorsqu'une œuvre sera nouvellement acquise et interviendra dans l'accrochage ? Est-ce qu'il faut donner des plans par étage ? Est-ce qu'il faut raisonner plutôt par siècle, Voilà, il se pose beaucoup, beaucoup de questions pour essayer de mettre en ordre ses pensées et de donner, comme je le disais, un outil qui soit vraiment exploitable pour le public. Et dans son esprit, ce n'est évidemment pas uniquement les galeries historiques de Louis-Philippe qui sont concernées, mais aussi les grands appartements et les autres salles du musée. Donc en préambule de ses notices, il va donner une histoire du château depuis les origines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'oublie pas les jardins, il n'oublie pas le grand et le petit Trianon qu'il inclut, qu'il englobe dans son travail. Alors, il scinde ses publications puisque les sommes sont tellement importantes qu'il doit commencer par traiter uniquement le rez-de-chaussée, ensuite en 55 le premier et le deuxième étage, avec des éditions et des rééditions successives. Et par exemple, en 1861, le dernier volume comptera 600 pages. Alors, on le disait tout à l'heure, Arnaud en parlait tout à l'heure, il y a eu des rééditions, je l'ai dit, mais aussi beaucoup de contrefaçons qui ont circulé. Soulier s'en est beaucoup ému en essayant de garder une forme de contrôle sur ce type de publication avec les difficultés que l'on a dites tout à l'heure. Alors, voici Soulier en 70, toujours un pastel cette fois-ci qui est un don de ses descendants. La dernière partie de sa carrière, à partir de 1870, va être une partie vraiment très, très compliquée pour lui. La chute du régime va vraiment entraîner chez lui un grand traumatisme. Alors, il se sent moins soutenu, évidemment, puisqu'il avait l'oreille attentive de Nieuwerkerk. Et ces années-là sont le début de ces années assez sombres, puisque en août 1870, alors il donne son accord, enfin il soutient plutôt le projet de créer une ambulance pour les blessés français dans la galerie des batailles. Alors, ce qui sera effectivement fait, le 24 août, les galeries historiques sont fermées. Il cherche par tous les moyens à mettre à l'abri les sculptures, mais également les peintures, et il donne un certain nombre de directives pour éviter l'incendie, qui est un péril qui existe beaucoup sous sa plume. Mais il se rend compte assez rapidement qu'il n'a pas les crédits nécessaires pour protéger forcément toutes les œuvres in situ, et il va essayer de les faire partir de Versailles. Alors, il essaye d'évacuer les collections au mieux. Donc, il faut rouler les très grands formats, les envoyer vers Paris. Alors, une partie des collections est évacuée, l'autre partie, faute de facilité de transport, reste sur place. Et voici des vues de ce qu'on appelle le théâtre de la guerre, des vues qui ont été réalisées donc à Versailles, au moment aussi où le château va être occupé et les premiers blessés allemands vont arriver. L'ambulance prussienne va intégrer les espaces du château, et comme seule une partie des collections a été effectivement évacuée, eh bien Soulier va essayer de prendre toute une série de mesures pour essayer d'éviter les dégradations, les vols qui ont quand même lieu et qu'il consigne vraiment avec beaucoup de précision. Et en essayant toujours d'obtenir des réouvertures partielles de salles pour toutes les salles et les galeries qui ne sont pas occupées justement par l'ambulance. Alors, il rencontre énormément de problèmes qui vont affecter la conservation des œuvres, des problèmes, évidemment, on se doute bien, de chauffage, l'humidité, le manque d'aération. Et il note, par exemple, que pendant cette période, il y a 200 tableaux qui vont souffrir de chancis, c'est-à-dire que le chancis, c'est une micro-fissuration du vernis qui, en fait, va créer comme une sorte de voile opaque sur les tableaux et qui montre qu'effectivement, là, les tableaux sont en danger. Et jusqu'au départ des troupes prussiennes, il ne va cesser d'intervenir auprès des collections pour les préserver. Voici les blessés prussiens. Voilà, je passe vite, mais cette occupation a donné lieu à toute une série d'illustrations. Voici ici deux soldats prussiens à l'entrée de la galerie des glaces. Alors, lorsque finalement le château retrouve, lorsque l'occupant s'en va, ce qui est important pour Soulier tout de suite, c'est de tirer les leçons de cette grande crise et d'agir auprès de l'administration centrale pour un plaidoyer vers une plus grande autonomie du château. Il s'est rendu compte que cette dépendance à l'égard de Paris, cette absence d'autonomie de moyens qui était la sienne, l'a entravé dans un certain nombre de ses actions, et donc il espère ce cas de figure vraiment tout à fait dramatique va plaider pour une refonte complète de la gestion du palais et faire en sorte que ce soit le conservateur du lieu qui ait vraiment la mainmise sur Versailles. Malheureusement, il y a un certain nombre d'éléments qui vont le faire déchanter, puisqu'il va y avoir un très très grand nombre de salles qui vont être occupées par l'Assemblée nationale, par l'administration des postes, le ministère des Finances. Alors, quand on lit sa correspondance, il se plaint énormément de se voir progressivement dépossédé de Versailles. Et Chenevière, dans ses souvenirs, note que lorsqu'il rejoint ses collègues à Paris pour évoquer justement cette période très dramatique pour lui, pendant 6 mois, il a été coupé de l'administration. Il est resté presque, on va dire, seul à bord de ce vaisseau à Versailles. Chenevière note que le plus cruel chapitre de cette lamentable histoire, après celui de Barbet de Jouy, qui était le conservateur du musée des Souverains, c'était naturellement celle de Soulier en ce qu'il touchait notre orgueil national. Donc on voit vraiment à quel point là, Versailles, le sort réservé à Versailles touche un point sensible pour les collègues. Et alors, juste pour évoquer aussi les successeurs de Soulier et l'action qu'il a menée et la manière dont elle a été perçue, j'ai juste choisi ici deux visions, celle de Pierre de Nolhac et puis celle de Gaston Brière. Alors, Pierre de Nolhac loue le travail vraiment très important de Soulier qui a été réalisé sur un temps quand même très très court, et il est plutôt admiratif de la mission qui a été la sienne et du travail qu'il a réalisé pour Versailles. Alors Gaston Brière, lui, est un peu plus critique, parce que même s'il connaît bien le contexte, les difficultés de Soulier en la matière, il note quand même un certain nombre de mauvaises attributions, d'empêchements, mais aussi il estime que Soulier avait une forme de mauvais goût par rapport aux œuvres qu'il avait choisies et aux œuvres sur lesquelles il avait envie de travailler. Et c'est un des reproches que l'on trouve sous sa plume. Alors, juste pour terminer, donc ce que j'ai appelé un bilan mitigé, Soulier destructeur de Versailles. Il se nomme lui-même le destructeur de Versailles, de manière aussi assez ironique, puisqu'il a vécu ces dernières années avec un musée qui était évidemment complètement émietté, avec un grignotage progressif des salles du musée. Et ce qui est intéressant aussi, mais ce sur quoi à l'époque je n'avais pas trouvé d'éléments intéressants, c'est que Soulier avait mauvaise réputation, puisqu'on a beaucoup dit, et c'était d'ailleurs une des choses intéressantes, amusantes, quand j'ai commencé à travailler sur Soulier, on m'avait dit, voulez-vous travailler sur ce personnage, sachant qu'il y a autour de lui des sortes de rumeurs autour de sa folie présumée, du fait qu'il aurait été forcé de brûler un certain nombre de documents importants du musée. Donc c'est des rumeurs et une sorte de légende qui le poursuit encore maintenant, ce qui peut-être pourrait être écarté vu quand même le travail important qu'il a réalisé pour Versailles. Et puis je voulais souligner aussi à quel point il avait porté une vision moderne de la conservation vers une professionnalisation du métier. Et juste pour terminer, vous indiquez qu'avec l'exposition Versailles Revival qui prendra place au musée, au château prochainement, il y a peut-être aussi des réévaluations du travail qui peuvent être effectuées. Et juste souligner que Victorien Sardou, qui était donc l'auteur que vous connaissez, qui était le gendre de Soulier, est devenu en 1907 le premier président de la Société des Amis de Versailles.